Bonjour, amis auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro, votre station préférée. Bienvenue à cette grande édition de la mi-journée de ce 27 octobre 2020. D'abord l'essentiel. Quatre confédérations syndicales s'insurgent contre le recensement général des fonctionnaires en cours qui, selon elles, viole la constitution burundaise. Le recensement qui pourra être prolongé selon le ministère de la fonction publique. Vous en aurez les détails tout à l'heure. Au sommaire également, cette analyse d'un expert en sciences politiques et relations internationales sur la récente rencontre des ministres en charge de la diplomatie au Rwanda et au Burundi. Vous entendrez le professeur d'université Gérard Wilanhamidje. Et dans la chronique santé de ce mardi, c'est presque devenu une coutume. Vous aurez droit aujourd'hui aux soins palliatifs. Voilà pour l'essentiel. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. La récente rencontre entre le Burundi et le Rwanda suscite de l'espoir de normalisation des relations entre ces deux pays voisins. Gérard Wilanhamidje, professeur d'université, expert en sciences politiques et relations internationales, trouve que ces pays ont d'abord manifesté une vision commune en matière de sécurité portant des rebelles burundais capturés sur le sol rwandais. Il fait cette analyse une semaine après la rencontre des ministres burundais et rwandais chargés des affaires étrangères. Suivez-le. Le communiqué montre bien l'objet de la rencontre et il est clair. Il s'agit de normaliser les relations entre les deux États au plus bas depuis 2015. Étant donné qu'ils ont eu l'occasion d'analyser ensemble les défis qui hantent les relations des deux pays, l'on ne peut qu'espérer que les choses vont évoluer positivement. Mais, bien évidemment, dans les deux messages échangés par les deux gouvernements, éventuellement qu'il figure les conditions au cœur de cette reprise. Et c'est là que tout peut avancer ou tout peut capoter. Mais il faut être optimiste, même si généralement les États n'ont que des intérêts. À mon avis, il n'y a pas plus grand que l'intérêt de la paix, dans la mesure où les deux pays se considèrent comme des poches des oppositions réciproques, comme les faits l'ont montré avec les attaques de Nyaruguru de l'an dernier, ou avec les rebelles qui ont été appréhendés récemment au Rwanda en fuyant le Burundi le mois passé. Mais quels sont les scénarios possibles après cette rencontre des deux ministres ? Pas facile de faire les scénarios si les conditions posées dans les messages remis aux deux gouvernements respectifs ne sont pas dévoilées. Dans tous les cas, pour avancer, il faudra que de profondes discussions soient faites sur les questions qui fâchent et qui ont été exprimées, notamment par le Burundi. Mais il y a d'une part le scénario du véritable dégel, lequel suppose que les deux parties s'accordent sur les conditions de la reprise, en abordant bien évidemment les véritables questions qui fâchent, notamment sur un rapport avec la sécurité nationale des deux États, bien plus que des mesures sérieuses soient prises et implémentées par les deux parties. Le deuxième scénario, il est à l'opposé du premier, c'est-à-dire que les conditions posées par les deux parties ne sont pas prises en compte par les deux parties. Et cela génère le scénario du statu quo. À défaut du mieux, ils vont se contenter de la situation qui prévaut, tout en sachant qu'elle ne profite à aucun des pays. Et bien évidemment, évidemment, il ne faut pas ignorer qu'un simple incident peut mettre la poudre au feu. Gérard Wilanhamidje, il est expert en sciences politiques et relations internationales. L'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide propose qu'il y ait une loi régissant l'usage des réseaux sociaux. Dans une rencontre organisée par cet observatoire ce mardi, Jean de Dieu Mutabazi, président de l'ONPGH, trouve que c'est sur ces réseaux sociaux où passent des messages de haine et d'autres susceptibles de perturber la sécurité suivie. Aujourd'hui, le monde est pratiquement dominé par les réseaux sociaux, c'est-à-dire la Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube et d'autres. On voit que c'est ce genre de canaux. Il y en a qui les utilisent pour distraire la population ou même pour envoyer des messages de haine. Alors si pour nous, nous avons cette mission de prévenir contre le génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité, nous devons veiller à ce que l'utilisation de ce genre de canaux électroniques soit contrôler. C'est pourquoi, lors des exposés des différents consultants, ils ont proposé qu'il y ait l'étude, l'analyse et l'adoption de la loi qui réglemente les réseaux sociaux. Nous pensons que avec notre mission de consolidation de la paix, avec notre mission de renforcement du rythme de développement sur lequel nous sommes, cela va pouvoir aider la population à bien maintenir le rythme de développement et à bien renforcer la cohésion sociale. Comme je vous ai dit, les réseaux sociaux, ils sont difficilement contrôlables. C'est pourquoi, parmi les propositions des conférenciers, il y a l'analyse et l'adoption de la loi sur le renforcement du cadre légal sur ces réseaux sociaux. Et nous, en ce qui nous concerne, nous allons essayer de faire à ce que cette loi puisse être disponible et puisse contribuer à la consolidation de la paix. C'était le président Jean de Dieu, le président de l'Observatoire pour la prévention et l'éradication du génocide, Jean de Dieu Moutabadze. Après une courte pause, on va parler emploi. À 13h04 dans les yeux de la radio Isanganiro, vous pouvez nous capter via le www.isanganiro.org. Le recensement actuel des travailleurs s'attaque à la vie privée des travailleurs en violation des droits de la Constitution et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Propos des confédérations syndicales des travailleurs COSIBU, CSP, COSESONA et SINAPA lors d'une conférence de presse conjointe animée ce mardi. Elle demande au gouvernement de surseoir au recensement actuel des travailleurs et entamer des consultations avec les partenaires en vue d'avoir une compréhension commune de certaines questions. Suivez Célestin Saviman, la présidente de la COSIBU, qui représente les quatre confédérations syndicales. Vous avez vu tout le monde sur les réseaux sociaux en questionner quels fonctionnaires et autres travailleurs sont censés répondre devant les recenseurs. Et qui sont les recenseurs? Ce sont parfois les chefs hiérarchiques des fonctionnaires. Est-ce que tu serais content qu'on te demande ton numéro de compte? D'après ce que j'ai vu, quelles ressources de revenus? Ou qu'on fait la géolocalisation chez toi, que ton chef de service ou je ne sais pas ton directeur aussi fasse la géolocalisation. Géolocalisation, c'est là où tu habites. Ça va même créer, il va voir, bon, il a une boutique, il a quoi. Ça, c'est pas le rôle, je pense, du ministère et à la fonction publique dans ses attributions. Il y a des services qui sont chargés pour contrôler ou peut-être s'enquérir de la richesse des fonctionnaires et des mandataires publics. Vous avez entendu qu'on demandait aux mandataires, aux hauts mandataires, de déclarer leurs biens il y a deux semaines. Je pense que M. le Président de la République avait dit ça. Maintenant, on veut commencer sur les petits fonctionnaires sans que les hauts mandataires n'ont pas déclaré. Même si tu veux commencer sur les petits fonctionnaires, dans la législation nationale, il n'est marqué nulle part. Généralement, si on analyse ce questionnaire, c'est un questionnaire qui a été préparé unilatéralement et que généralement, le recensement, ce questionnaire devait faire l'objet d'un consensus. Le ministère de la fonction publique et du travail et de l'emploi reconnaît les irrégularités qui se sont observées lors du recensement général des fonctionnaires de l'État en cours. Entre autres, la coupure de connexion, cela est dit par Rosette Nizigimana, secrétaire permanente au sein de ce ministère à propos de la prolongation du délai prévu. Elle précise que cela va dépendre des résultats obtenus au cours de la journée. Elle appelle les agents recenseurs à être tranquilles et à ne pas presser cette activité. Je vous propose de l'écouter. Au premier jour du recensement, on a remarqué qu'il y a eu embouteillage dans la connexion des agents recenseurs qui cherchaient à se connecter pour télécharger des formulaires d'abord. Et deuxièmement, il y a eu aussi embouteillage dans la transmission des données recensées. Ce qui a fait qu'hier, on n'a pas eu des données qu'on espérait. Aujourd'hui, on va analyser la journée et si on trouve qu'il est nécessaire qu'on augmente les délais, on va communiquer cet après-midi. Parce que l'objectif, ce recensement, c'est pas de courir avec l'OTAN, mais c'est d'avoir des données fiables que l'État pourra utiliser pour planifier et rationaliser ses travailleurs. Je dirais qu'il n'y a pas d'illégalité dans leur formulaire. Ces syndicalistes qui disent qu'il y a des illégalités, il faut qu'ils signalent. S'il faut qu'on corrige, il faut qu'on le fasse maintenant avant que le recensement ne prenne fin. Ces syndicalistes ont toujours été associés dans des activités de l'État, mais ce recensement a été décidé par les autorités de l'État, mais ça ne cause pas de problème qu'on collabore avec ces syndicalistes, parce que ce recensement, c'est pour l'intérêt des travailleurs qui font partie de ces syndicats. À ces agents recenseurs, je leur demande d'être tranquilles. Ce matin, on leur a demandé de télécharger encore les formulaires, parce qu'on a changé de code, et tout cela, c'est pour faciliter le travail, pour augmenter la connexion, afin de transmettre les données de ce recensement très facilement. Environnement à présent, la réhabilitation de la station d'épuration des eaux usées de Buterere, l'amélioration de sa gestion, c'est un des objectifs du projet de gestion des eaux du bassin du lac Tanganyika, projet Ratawama en sigle en anglais. C'est un projet concernant 5 pays sur 4 ans, appuyé par l'Union européenne en collaboration avec l'autorité du lac Tanganyika, qui en assure le secrétariat avec une enveloppe de plus de 6 millions d'euros. Le dit projet a été lancé juillet 2019. Mireille Kanyange revient sur ce projet. La pollution des eaux du lac Tanganyika constitue une menace croissante pour les populations riveraines et affecte l'approvisionnement en eau potable et en produits halieutiques. Selon le document de description de l'action entre l'Union européenne, l'Agence belge de coopération Enabel et l'autorité du lac Tanganyika, l'on note également une pollution due à l'urbanisation et à l'accroissement des populations urbaines. Financé par l'Union européenne pour une enveloppe de plus de 6 millions d'euros et pour 4 ans, le projet Latawama de gestion des eaux du bassin du lac Tanganyika sera exécuté dans 5 pays, à savoir le Burundi, la Tanzanie, la RDC, la Zambie et le Rwanda. Pour que cette gestion intégrée des eaux du bassin du lac Tanganyika soit réalisée, des actions doivent être menées dans 5 villes pilotes de ces pays. Pour Bujumbura, ce sera l'amélioration de l'efficacité du système de gestion des eaux usées. Et pour la ville de Kigoma, c'est l'amélioration de la viabilité et la couverture de son service de traitement des déchets. Pour la ville de Murungu, c'est une diminution de l'assainissement individuel grâce à un renforcement de l'équipement municipal. Pour la ville d'Uvira, c'est le développement d'un modèle de partenariat multisecteur pour la collecte et la gestion des déchets dans un quartier pilote. Tandis que pour la ville de Kyangugu-Rusizi, le projet vise la gestion des déchets existantes et l'expérimentation d'une approche de tri et valorisation des déchets. Une année après le lancement officiel de ce projet de gestion des eaux du bassin du lac Tanganyika dans ces 5 pays, quelle réalisation ! Le directeur administratif et financier de l'autorité du lac Tanganyika, qui en assure le secrétariat, promet de s'exprimer dans nos éditions ultérieures. Merci Mireille Kanyang. Toujours environnement, mais cette fois-ci en bref, des amendes variant entre 2000 et 1100 millions de francs burundais seront infligés aux contrevenants à l'ordonnance ministérielle du 12 octobre 2020 qui vient mettre en application le décret présidentiel du 8 août 2018 portant interdiction de l'importation, de la fabrication, de la commercialisation et de l'utilisation des sachets et autres emballages plastiques. C'est l'annonce de Deogui Derudema, ministre ayant l'environnement dans ses attributions ce mardi lors de l'ouverture du salon de l'emballage. Et les jeunes diplômés de niveau master, ingénieurat et doctorat sont appelés à promouvoir la planification et la conception des projets prioritaires qui génèrent des revenus. Cela est dit par le président de la République, Évariste Ndayishimiye, lors du lancement d'une retraite de 2 jours à l'intention de certains jeunes ayant ce niveau d'études. Évariste Ndayishimiye recommande aux jeunes de ne pas prêter oreille aux divisions, mais plutôt privilégier l'unité nationale afin de lutter contre la pauvreté. Et les habitants d'Ongozi, propriétaires de marais aménagés par la Prodéfi, saluent le fait que la production n'a de pas mal de cultures comme le riz, le maïs, le haricot et autres semés dans ces marées à tripler voire plus, ce qui a permis selon eux de l'autosuffisance alimentaire dans leur ménage et de dégager même un surplus de pour le marché. Il y en a d'autres par contre qui déplorent que le non-achèvement de l'aménagement de leur marée, ce dernier demande aussi qu'il soit traité comme les autres en vue d'améliorer leur situation économique. Et tout de suite, chronique santé. Radio Isanganiro, chronique santé. Dans la chronique santé de ce mardi, l'on parle des soins palliatifs et ces derniers sont administrés aux patients pour améliorer leur qualité de vie. Docteur Gabriel Nahayo, président de l'Association burundaise de lutte contre le cancer, en même temps gynécologue, précise que ces soins concernent normalement les patients atteints des maladies incurables comme le cancer. Ornella Mucho. Lorsqu'une personne atteinte d'une grave maladie incurable, on lui propose des soins palliatifs. Docteur Gabriel Nahayo, président de l'Association burundaise de lutte contre le cancer Buracha, fait savoir que ces soins sont donnés aux patients pour soulager la douleur ainsi qu'améliorer la qualité de la vie du patient. Les soins palliatifs sont administrés de façon principale aux patients qui sont atteints d'une maladie incurable. Donc, on parle de phase terminale de la maladie. Et ces maladies sont essentiellement des maladies chroniques qui ont évolué pendant longtemps. On parle des cancers, des maladies respiratoires chroniques, où vous êtes arrivé au bout de l'évolution de la vie. On parle des maladies rhumatismales, des articulations et maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer. On parle également de maladies graves en général, neurologiques, mentales, respiratoires, etc. Ce sont ces maladies qui sont arrivées à la phase terminale d'évolution. Ça veut dire que le pronostic vital du patient est engagé. Là, on parle de soins palliatifs. De façon habituelle, ces soins sont proposés aux patients souffrant de maladies incurables, mais toutefois peuvent être proposés en cas de maladie curable. Mais de façon moins directe, on parle de soins palliatifs lorsqu'on propose des traitements qui ne sont pas curatifs pour n'importe quelle maladie. Vous savez que lorsqu'un malade se présente chez un médecin, il a des symptômes. Vous pouvez avoir de la douleur, souvent de la douleur qui fait partie des symptômes de la maladie. Le médecin traite la maladie, mais il traite également la douleur pour améliorer la qualité de la vie. Et ça, ce sont des soins palliatifs. Le traitement du sida est un traitement palliatif parce qu'il n'a pas pour objectif de guérir la maladie, mais d'améliorer les symptômes. Ça veut dire qu'on met en position le patient de combattre, de faire disparaître même les symptômes, et donc on améliore la qualité de la vie. Le traitement dépend de la cause et de la gravité de la maladie, selon toujours Dr Gabriel Nahayo. On n'utilise pas seulement les médicaments, on utilise toute une panoplie de traitements qui vont des actes chirurgicaux qui sont utilisés pour améliorer la vie, lutter contre les complications des maladies, aux traitements médicaux avec des médicaments, comme vous le comprenez, pour traiter la douleur, pour améliorer la sensation de bien-être, et les soins d'hygiène, etc., qu'on utilise également pour que le patient soit dans de bonnes conditions de vie. Tous les soins qui peuvent être apportés également pour que psychologiquement le patient se sente bien, pour que spirituellement le patient se sente bien, sont des traitements qui font partie des soins palliatifs. Les soins palliatifs sont variés, c'est ce que Dr Gabriel Nahayo continuera à expliquer dans la prochaine chronique santé. Merci, Ornella Mucho. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Marie-Claire Kazeneza qui m'a aidé à la réalisation. Eli Nibel Nivigla, j'étais à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.